« Eh bien !» dirent les trois femmes à la baronne. « Eh bien, monsieur Hulot est à Paris, et c'est déjà pour moi, répondit Adeline, un éclair de bonheur que de le savoir près de nous. » « Il ne paraît pas s'être amendé, » dit Lisbeth quand Adeline eut fini de raconter son entrevue avec le baron Vernier. « Il se sera mis avec une petite ouvrière. Mais où peut-il prendre de l'argent? Je parie qu'il en demande à ses anciennes maîtresses, à mademoiselle Jenny Cadine ou à Josépha. » La baronne eut un redoublement dans le jeu constant de ses nerfs, elle essuya les larmes qui lui vinrent aux yeux, et les leva douloureusement vers le ciel. « Je ne crois pas qu'un grand officier de la Légion d'honneur soit descendu si bas, » dit-elle. « Pour son plaisir, » reprit Lisbeth, « que ne ferait-il pas? Il a volé l'État, il volera les particuliers, il l'assassinera peut-être. »« Oh, Lisbeth !» s'écria la baronne, « garde ces pensées-là pour toi !»